Ouais, tu connais les accords du piano, c'est bon ? Vas-y. La pluie tous les ans comme à Liverpool. Je suis fier de mes actions quand ma mère approuve. Moi qui étant désobéi, je sais que chaque année elle me redécouvre. Pas de souvenirs dans le journal intime, tout dans la tête, y a pas de magie. Ici faut faire deux fois plus d'efforts comme un athlète paralympique. Je crois pas au hasard mais au timing. Je crois en Dieu, je crois en toi, je crois en l'amour, je crois en moi. Oh mon libre arbitre, AirPods 2h du matin, pareil sous mes semelles. Je rejoins mes potes, on parle de monter haut, de se faire la courte échelle et bien de finir au top. Enfants sauvages, nous étions que des enfants sauvages. Nous étions. T'es là, tu vis comme si on était tous au complet. Comme si rien n'avait changé, alors rien n'a changé. Parce qu'on a encore faim du soleil, parce qu'on dort toujours mal. Qu'on veut toujours des voyages, qu'on fraude le métro comme des enfants sauvages. Je réentends le vent entrecoupant nos voix, quand on chantait sur nos vélos. À fond dans nos rêves, difficile de prendre du recul, comme l'acre sur mon épaule. Des cartouches sur le sol, des oiseaux qui s'envolent. Drôle de rapport avec la violence, fasciné par les armes, la nature gagnera toujours sur notre arrogance. Enfants sauvages, nous étions que des enfants sauvages. Nous étions torse nu dans la ville en plein été, accrochés à nos rêves de mots, mal idée de tout faire péter. Du sang sur nous comme sur le ciment ukrainien, hormis tout après-demain. Parle pas de style baudelairien. Non là c'est la vraie vie, celle qui mérite d'être vécue, avec ses excès et ses garde-fous. Loin de nous, l'idée d'être comme les autres, de finir à genoux, c'est nos codes qu'on bafoue. Pour ça qu'il y a le feu en bas de chez toi, j'aimerais moins de venin dans mon corps et plus de sagesse comme Athéna. Enfant sauvage, nous étions que les enfants sauvages. J'ai pensé à ce que je pourrais dire. Je pourrais parler d'amour. J'ai pas encore trouvé les mots exacts, mais en fait tout part de l'énergie d'amour. Parce que en vrai l'amour c'est pas que les relations, c'est aussi nos passions, nos rêves, toutes les choses pour lesquelles on se donne à fond, toutes les choses aussi pour lesquelles on se donne du mal. C'est aussi la famille, les potes. Avant je pensais que le contraire de l'amour c'était la haine en vrai, mais s'il y a pas d'amour tu peux pas détester. En vrai son contraire c'est la peur. Parce que si t'as peur, tu vas nulle part, tu tentes rien, t'es immobilisé, il va rien arriver. C'est le néant, tu vois. Et tu sais aussi, je m'étais dit qu'il fallait que je parle aussi en mode si je peux écrire des chansons comme Esprit Libre ou Quand le soleil tombe qui vont à l'opposé, comme si j'avais genre 1000 vies dans une vie, dans un seul album, c'est tout simplement parce qu'en vrai, tout ça c'est méga intense. Parfois c'est un regard, parfois c'est juste un rendez-vous. Sûrement que parfois c'est aussi toute une vie. Enfin bref, tu vois, genre on pourrait expliquer un truc comme ça, tu vois. Expliquer que l'amour ça peut arriver n'importe quand et que ça peut durer une minute comme durer 10 ans, tu vois.